sans motif, zone d'ombre, 2010 mixtape, 1, c'est Nivek et Milos, toujours là, ok, ouais. local, c'est comme ça que ça se passe, c'est de l'autoprod mon vieux. Viens kicker l'intro, viens gicler la sauce. Passe un beat, j'suis synchro, je bourra les bastos. J'ai pas pris sable spécial pour taper ma pochette. Je reste comme je suis et ça que ça vous plaise, okay. Ou pas. Bande de koufades, au mic j'mets les couilles. C'est le bruit de mes touches car jeune du 4A, j'pète les enceintes, tu parleras après. J'ai fait ma place comme un arabe, business, un barbès. Je reste humble en poésie, je ne connais pas la prophétie. On fait les images, le sous sponsorisé par Pro ici. On en veut toujours plus, même si ça rentre assez. Cousin, je peux faire crever que de finir sur une rampe d'accès. Je suis désemparé, on ne résout rien avec un cran d'arrêt. En 2010, si t'es minot, petit, sache qu'aucun grand t'arrête. Je rappe avec la peur à droite, seulement dans un laboratoire. Peu à peu, je construis ma vie, et c'est temps que j'élabore un doigt. J'suis nostalgique, l'époque où dehors on se marrait. Maintenant c'est virtuel et chimique, j'sais pas causer en smiley. J'geek sans thème, fuck la prise d'en fait. Y'a trop de schlag en ville en fait, si j'pique ce, j'prends 8 enfer. Le monde déraille, on part en couille et moi ça m'amuse plus. Nique sa mère la muscu, j'vis pas dans la luxure. J'bouscule, bouge plus. Hypocrite du sourire, mais j'encaisse les coups durs. Eh ouais. On ne soigne rien avec un sachet de paracétamol. On a tous choisi des chemins en sachant que par là c'était mort. Je respecte les rebeux de ne pas avoir 50 batteries. Je suis comme un musicien qui a derrière lui 50 batteries. Ici bas tu veux monter, va falloir te cramponner. A force de lécher des culs tu finis par décramponner. Après le revers de la médaille, tu auras le revers de pizza en passe. T'inquiète, je sais que les vrais cherchent à revoir ce clip sans tasse. Ma génération c'est belle pou, ouais on jette tout. Bouffon ta future femme, tu l'auras collé en partout. Je prêche la solidarité, les gars appliquent, gars au bas tout. C'est difficile de faire confiance, j'ai la carabine au cas où. Mec faut de la thune, je veux une baraque avec une grande piscine. Aucun complexe, moi je vise la lune avec un lance-missile. Ma miscrite, grand gamin se pète la tête et nique le globe terrestre. C'est critique, un petit peu venir niquer avec un globe d'éther. Son porte-monnaie, l'état te claque la porte au nez. S'en sortir est aussi hard d'avoir un max de potes honnêtes. J'étais mieux dans un cosy, j'vois pas le bonheur dans le jacuzzi. À la limite de l'écœurement quand t'as que mes baisses à cousine. J'veux être une petite souris pour savoir ce qu'en dure un truc. J'ai un scoop à 12 ans, combien on l'a cambré d'une pute. Les autres parlent de drogue, de gun et de ce qui se passe en bas des tours. Nous de nos visions des hommes et du reste, mais j'en bats les couilles. Forcément ils arrivent, Orléans, Villaride. Reste calme, don't panique. Je me nique le bide à force de boire des pires alcools. Y'a trop de trucs, faut que j'arrête. Les envies crient ma mort. J'crie ma mère, comme trop de talent dans l'ombre. Extériorise ma haine, on n'a pas la parole. J'écoute plus le rap des grosses têtes, seulement le rap de chez moi. Résident du 45, originaire de la périphérie plaisoise. Y'a pas de mystère, ma couleur pose des problèmes au mystère. Rentrer au paradis, comme si je fourrais la femme à Johnny Depp au match, je ne braille pas. J'suis pas de ces mecs excentriques, hardcore comme une bouffiasse qui kiffe avoir ses règles en string. Ici les écrits t'auraient, cesse tes histoires pittoresques. Quand les chats sont pas là, les souris dansent, mais seuls les pitons restent. Manque de dialogue comme au conseil municipal. Un son violent comme un assassin au pont de sève municipal. Yeah.